L'approche de la 104. Grand Est aussi de la 10 jusqu'à Grande Allée. Vous levez le pied. 10 Est de Milan jusqu'à l'approche de la pesée routière. En Ouest aussi après la pesée routière jusqu'à l'approche de la 30. Et vous ralentissez également après l'autoroute 35 sur la 10 en Ouest. Rivière des Prairies, les traversées. Alors, 13 Nord, ça commence avant la transcanadienne, oui, pardon, c'était pas facile. Et après Côte-Vertu sur la transcanadienne en direction ouest. Cependant, le pont Bisson est libre lui-même, c'est en approche ou en ralenti. 13 Sud, c'est pour le pont Bisson aussi, le ralentissement. Autoroute des Laurentides, il n'y a pas de problème pour la traversée. Cependant, en sud, on lève le pied de manière marquée à Henri Bourassa. Les autres traversées, vous inquiétez pas. Le pont Olivier Charbonneau, il n'y a pas de problème. C'est une fois rendu de l'autre bord, passé le boulevard Lévesque où on lève le pied pour aller chercher la 25 vers Terrebonne. Et l'approche aussi par la 440 Est, ça commence à ralentir à la 125. Ce ralentissement va vous mener jusqu'à la route 337. Et puis, les autres traversées de la rivière des Mille-Îles maintenant. Autoroute des Laurentides, on a de la résistance après la 440. Ça vous amène jusqu'à mi-chemin du pont Gédéon-Ouimet. Mon chum et moi, on va chez mes parents, à Gaspé. 10 heures de route, ça fatigue. On a besoin de prendre des pauses. Les villages relais sont là pour ça. Mais c'est pas juste pour se reposer les yeux. Ça ouvre les yeux. C'est si beau, le Québec. On adore s'arrêter dans les villages relais et les découvrir. On peut même y faire des emplettes. Sur la route, gardez l'œil ouvert et repérez les villages relais du Québec pour une pause de toute beauté. Visitez village-relais.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Les ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporés annoncent des travaux majeurs jusqu'en novembre 2024 dans le secteur de l'autoroute Bonaventure. Planifiez vos déplacements. Tous les détails sur reconstructionbonaventure.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, vous invite à sa 38e édition du 9 au 21 juillet à Montréal. Vivez une expérience riche en découvertes au rythme d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Info et billets, festivalnuitdafrique.com. Pour tout savoir des travaux routiers et des alternatives, Radio Circulation 730 et Québec 511. La circulation en tout temps. 16h50 minutes, ouais, c'est un accident sorti de route à la hauteur de Valmont sur la 40 Repentigny en direction est. Heureusement, pas de blessés, mais sorti de route. Alors, ça se passe à droite. Plusieurs véhicules d'urgence qui sont sur place. Alors, ça vous ralentit pas mal, oui. Attendez un peu, on va regarder ça. Ah oui. À partir du boulevard de la Rochelle, la Repentigny, vous êtes déjà ralenti, même un peu avant, là, rapidement après le pont Benjamin Moreau. Alors, patience. Reprenons. On était là tantôt. Là. Donc, voilà, 640 Est et Ouest, c'est au ralenti entre le rang Charles-Aubert et la 40. 40 Est, oui, de l'hésitation sur le pont Charles-de-Gaulle qui vous amène aussi jusqu'à la 640. Benjamin Moreau, c'est à vitesse permise. Et puis, à Montréal, après Ray Lawson, on ralentit sur la 40 vers Repentigny jusqu'au Parc Nature, Pointe-aux-Prairies. Métropolitaine en Est, Lacordaire jusqu'à l'échangeur Anjou. En Ouest, ça commence déjà à ralentir à l'Angelier jusqu'à l'échangeur des Carrés. Et puis, c'est à partir de Cavendish, sur la Transcanadienne, on ralentit jusqu'à... jusqu'à Saint-Laurent, la Jeunesse, à peu près. Autoroute des Carrés Nord, c'est sur toute la longueur. Et des Carrés Sud, métropolitaine, jusqu'à Côte-Sainte-Catherine. C'est lourd à partir, avant d'arriver à l'échangeur Turcot, autoroute du Souvenir en Est, et ça se répercute comme ça. C'est lourd, congestionné jusqu'au pont Champlain. Et puis de l'échangeur Turcot 15 Nord pour autoroute 20 Ouest, c'est déjà très lourd avant Saint-Patrick. Et puis c'est lourd comme ça jusqu'à Esterblondin en Ouest. 13 Sud, c'est avant Côte-de-Liesse et puis jusqu'à la 20. Et la 20 Est à partir de la 13 jusqu'à l'échangeur Saint-Pierre. Alors voilà. Autoroute Ville-Marie, c'est quand même bien. Autoroute Bonaventure, c'est à Victoria. De Montréal. Et puis, vers la rive sud, vous avez de l'espace. Terminons avec le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. 56 minutes pour vous rendre dans le tunnel à partir de Beaubien par la 25 Sud. Vers Montréal, c'est à la 132, mais on ralentit un peu à partir de Mortagne. 132 Est aussi, vous êtes à partir de Taschereau, il y a pas mal de résistance pour aller chercher la 25. Toujours sur la rive sud, Jean Lesage en direction est, on ralentit à partir de la 30 jusqu'à l'approche de la 229 et même un peu plus loin. 30 Est et Ouest, c'est au ralenti entre la 116 et Jean Lesage. 30 Ouest également, chemin de Chambly jusqu'à Kimber et 30 Est, la 10 jusqu'à passer la Grande Allée. On a aussi de la résistance en ouest sur la 30, passer la 10 jusqu'à Boulevard Mat et des Poussières. La 10 également à partir de Taschereau. Vous levez le pied jusqu'à l'approche de la pesée routière. 10 ouest, un premier ralentissement après la 35 et surtout après la rivière L'Acadie qui vous amène à proximité de la 30. Rivière des Prairies, 13 nord, on ralentit un peu après Côte-de-Liesse avec de l'intermittence jusque de l'autre côté du pont. Et en sud, c'est après Samson pour la 13. Autoroute des Laurentides, pas de problème pour la rivière des Prairies. Et en sud, c'est Henri-Bourassa pour aller chercher la métropolitaine. Les autres traversées, ne vous inquiétez pas. Le pont Olivier-Charbonneau, on ralentit simplement une fois rendu à Laval. 440 Est, c'est à partir de la montée Saint-François. Frappé par l'attaque du snack, contre-attaque avec les nouveaux régalos 12 pouces de Subway. C'est le biscuit, le pretzel, les roulés ou le churro 12 pouces de Subway aujourd'hui. Avec José, on a essayé le menu d'été du restaurant Etc. au Playground avec leur burrata et plateau Surf and Turf. On a adoré. Tu vas aussi adorer leur restaurant japonais, le Drunken Dragon. Ils ont de nouveaux cocktails, des makis et des plats chauds. Leurs desserts sont délicieux. Je réserve tout de suite ma table sur playground.ca. La consigne, vous connaissez? En rapportant vos canettes et vos bouteilles vides, vous vous assurez qu'elles seront recyclées. Prenez l'habitude de les rapporter. La consigne, c'est l'avenir. Consigne Action vous dit merci et vous souhaite un bel été. Avez-vous des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Jeunesse sans drogue est là pour vous aider. Vous vous demandez comment faire pour parler avec votre ado des drogues? Soyez rassurés, vous trouverez des réponses à vos questions et du soutien à jeunesse-sans-drogue-canada.org. La section balado, c'est l'occasion de retrouver du contenu original, les meilleurs moments de vos émissions préférées, des entrevues et des chroniques. Actualité et divertissement vous attendent dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Circulation, Montréal. On a un volume appréciable, oui, sur la rue Notre-Dame, en direction du centre-ville. Là, vous avez un ralentissement qui commence un petit peu avant Pinneuf et qui reprend à Davidson, au moins jusqu'à Frontenac. En direction ouest, vers la fin de l'autoroute Ville-Marie, aussi, on a de la résistance. Ça vous amène, ça, sur Notre-Dame. Patience, chers amis, jusqu'à Pinneuf. C'est pas évident, ça. C'est pas évident, alors, à part... prendre ça tranquillement et prendre des grandes respirations. Il n'y a pas grand-chose à faire. Papineau en direction sud, on lève le pied avant Mont-Royal et c'est marqué jusqu'à Ontario. Sherbrooke également, bonne congestion en ouest. Gascon, c'est avant Frontenac, ça, avant d'arriver à Papineau pour le ralentissement. Et presque toute la longueur du parc La Fontaine, vous serez également au ralenti. Papineau Nord, du volume à provenance de Notre-Dame-Est qui tombe sur Papineau Nord. Et René Lévesque également, là en est. Pour Papineau, vous êtes assez nombreux. Laissez-moi regarder les caméras du pont Jacques-Cartier pour voir comment ça se répercute sur la montée du pont. Ça ne vous gêne pas trop, chers amis, quand même. Et la sortie du pont en Ontario, là, vous êtes quand même assez nombreux. Il y a du volume. Papineau-Vigée aussi, là, c'est assez achalandé pour aller chercher le pont Jacques-Cartier. Parlant du pont Jacques-Cartier, il ne sera pas fermé ce soir car il n'y a pas de présentation de l'International des Feux Loto-Québec ce soir. La prochaine présentation va à samedi. Alors, vous avez le champ libre, chers amis. Métropolitaine Ouest à Pinneuf, je pense qu'on a un véhicule immobilisé à gauche. Je viens de voir ça, là, je vous en parle in situ en le voyant. Alors, ça semble bien ça. Métropolitaine Ouest à Pinneuf. Un véhicule, une camionnette immobilisée dans la voie rapide à gauche, ça semble être une panne. Alors, il n'y a pas de véhicule de protection encore, ça se fait sentir. Cet été, la fête continue jusqu'au 1er août avec l'International des Feux Loto-Québec. La magie des feux d'artifice directement sur le site de la Ronde est une expérience incomparable. On vous attend le samedi 20 juillet prochain pour le Canada. Billets sur laronde.com. Radio Circulation. Météo. Quelques nuages ce soir et un minimum de 16 cette nuit. Demain, vendredi, généralement ensoleillé avec un maximum de 25-28 ressentis à l'humidex. Et le soleil sera encore parmi nous samedi avec un maximum de 27 degrés. Et présentement, l'aéroport international de Montréal-Trudeau, 23 degrés, 26 ressentis avec l'humidex, sous le soleil et quelques nuages. C'est Carl Marchand qui vous souhaite bonne soirée et prudence dans vos déplacements. Marc Fortin s'amène pour la prochaine demi-heure. Vous êtes témoin d'un incident sur la route? Vous avez des informations à communiquer? Radio Circulation est là pour vous. Contactez nos animateurs en studio au 514-790-0231. 514-790-0231. Le parc Jean Drapeau, pour vous baigner dans l'un des plus beaux complexes aquatiques extérieurs, pour vous prélasser sur une plage de sable doré, pour vous divertir par des événements spéciaux 150e anniversaire présentés par l'Auto-Québec ou pour pique-niquer en nature, le parc est votre destination. Le Promo Open, présenté par Desjardins du 15 au 21 juillet. Un arrêt incontournable du PGA Tour Americas au golf Château-Bromont. Venez voir les futures vedettes mondiales se disputer la coupe. Achetez vos billets dès maintenant sur promoopen.com. Chaque année, mon chum et moi, on va chez mes parents, à Gaspé. 10 heures de route, ça fatigue. On a besoin de prendre des pauses. Les villages relais sont là pour ça. Mais c'est pas juste pour se reposer les yeux. Ça ouvre les yeux. C'est si beau, le Québec. On adore s'arrêter dans les villages relais, les découvrir. On peut même y faire des emplettes. Sur la route, gardez l'œil ouvert et repérez les villages relais du Québec pour une pause de toute beauté. Visitez village-relais.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Garneau, ce poulet mélangé, savouré, Garneau. J'adore ton poulet. Encore une recette de ta mère? Tofu à la Garneau. Hein? Tofu, style poulet, rehaussé d'épices Garneau. Mais là, tu meurs. Ben non, c'est Garneau qui t'a eu. Garneau! Amateur de tofu, Garneau offre 5 nouvelles variétés d'épices savoureuses pour relever le goût de vos plats. Le tofu, c'est un choix santé. Plus c'est goûteux, plus c'est délicieux. Garneau met du goût dans le tofu. Chez IGA Super C ou sur garneau.com. L'éponge Jacques Cartier et Champlain Incorporé annonce des travaux majeurs jusqu'en novembre 2024 dans le secteur de l'autoroute Bonaventure. Planifiez vos déplacements. Tous les détails sur reconstructionbonaventure.ca. Vous écoutez Radio Circulation 730, une station Cogeco Média, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité Durable. 7 heures précises, salut tout le monde. Marc Fortin qui vous accompagne en cette heure de pointe pas très compliquée. Par exemple, Transcanadienne Ouest à la hauteur de Côte-Vertue pour la 13, ça va vraiment très bien. Si vous allez vers le pont de l'île Autourte, c'est un peu avant le viaduc des anciens combattants. Pont de l'île Autourte Est, évidemment, c'est toujours plus compliqué l'après-midi parce qu'on n'a qu'une seule voie. Donc, c'est depuis l'avenue Saint-Charles jusqu'au début du pont. Transcanadien Est, on a un bizarre de ralentissement. Étrange. De la sortie de Côte-de-Liesse à l'entrée de Côte-de-Liesse. Et après l'entrée de Côte-de-Liesse, vers Desquarrie, il n'y a plus rien. C'est complètement dégagé. Métropolitaine en direction Est. Allons-y voir de plus près. Donc, oui, c'est installé dans l'échangeur Desquarrie jusqu'à l'entrée Saint-Laurent, mais vous allez constamment rouler et maintenir une vitesse qui a pas mal d'allure pour l'heure qu'il est. Métropolitaine Ouest, toujours l'Angelier un peu engourdi, c'est rien d'inquiétant, pas du tout. 40 direction de Repentigny. Alors, on va regarder ça. Un peu engourdi, Henri Bourassa. À la 140 également. Brillant, il y a eu un incident cette année. Pour le gardeur impeccable, si vous revenez de l'est de l'île, 40 Ouest, autoroute Félix Leclerc jusqu'à Anjou, tout roule et tout roule très bien. Métropolitaine Ouest, est-ce qu'on a encore cette panne? Ben oui, ça fait longtemps. Voie de gauche, Métropolitaine Ouest, Pinot, une panne. Alors, depuis l'Angelier jusqu'à la panne, c'est très lourd. Prochain ralentissement, bon, c'est surtout la Cadillac des Caries, quoique là aussi, les véhicules tout confondus sont en mouvement. Des Caries en direction nord. Voilà, c'est sur toute la longueur. Des carrés sud engourdis de l'échangeur des carrés Jean Talon Vézina. Ensuite, Non, je te filme la séquence. Ah, là, voilà. OK. Tunnel Vimaria, c'était... Ouais, c'est bon. 136 dans les deux sens, tout va. La 20 ouest, c'est pas mal occupé. C'est de Turcot jusqu'à la sortie Normand. Sortie 55e, ça déborde. Et le pont Galipo, pas mal occupé. Mais le pont Tachereau, ça, ça va bien. 20 est, pas de véritable inquiétude. Vraiment pas, jusqu'à Saint-Pierre et même jusqu'à l'échangeur Turcot. Très sud vers la 20. Très sud vers la 20. Oui, c'est installé avec moi, mais on ne parle pas d'une grosse congestion. Côte de l'Est ouest. Un peu d'achalandage au début de la sortie de l'aéroport. Au début seulement. Et c'est pas jusqu'au terminal. Et puis, ma foi, Côte de l'Est est, tout va très bien. Entre la 20 et le rond-point Côte de l'Est, vous allez voir, ça roule vraiment très bien. Parfait pour fêter l'été avec ton voisin. Des caisses de temps de canette Coors Light et Budweiser sont offertes au prix minimum permis par la loi seulement chez vos dépanneurs voisins. 7h04, on fait une pause là-dessus. Après ça, on va aller voir la rive sud. Si c'est comme le réseau, bonne chance que les choses se présentent. On verra bien. OK, on fait ça dans une minute. Avec José, on a essayé le menu d'été du restaurant Etc. au Playground avec leur burrata et Platon Surfenter. On a adoré. Tu vas aussi adorer leur restaurant japonais, le Drunken Dragon. Ils ont de nouveaux cocktails, des makis et des plats chauds. Leurs desserts sont délicieux. Je réserve tout de suite ma table sur playground.ca. Vous partez en camping ou au chalet? Prévoyez des sacs réutilisables pour y déposer vos contenants consignés, puis rapportez-les sur le trajet du retour. À 10 cents, ça vaut la peine. Consigne Action vous dit merci et vous souhaite un bel été. Cette semaine sur maboutiqueradio.ca. Obtenez deux expériences thermales au Strom Spa valides tous les soirs à partir de 17h et profitez des bains à remous, des chutes thermales et des aires de détente intérieures et extérieures. Maboutiqueradio.ca. Cet été, la fête continue jusqu'au 1er août avec l'International des feux Loto-Québec. La magie des feux d'artifice directement sur le site de la Ronde est une expérience incomparable. On vous attend le samedi 20 juillet prochain pour le Canada. Billets sur laronde.com. La circulation en tout temps. Radio Circulation 730. 17h05, 23 degrés, centre-ville, Marc Chartin avec vous. Alors, la rive sud de Le Pont-Mercier s'est installée dans l'échangeur Saint-Pierre. Mais quand je regarde avec les différentes caméras, on voit que ça bouge constamment, même sur le tablier du pont. Alors, c'est quand même pas la congestion monstre qu'on peut voir de temps en temps. Sens inverse, 138 S vers l'échangeur Saint-Pierre, ça se passe en termes de ralentissement début, ou à fin, je devrais dire, à la hauteur de la sortie clé. Champlain Sud, de la Vérandrie jusqu'à la mi-traversée. Bonaventure, c'est depuis le pont Victoria. Champlain vers Montréal, ça va. Et même la 15 Nord, le pont, vous allez voir, c'est correct. Pont Victoria-Saint-Patrick, c'est depuis des seigneurs. Wellington, le canal de la Chine. Et votre approche par mille jusqu'à Bridge, ça déborde dans le Vieux-Montréal. Jacques-Cartier, Papineau-Sud, Guildford, Ontario. Papineau-Nord, Notre-Dame de Maisonneuve. Sherbrooke-Ouest, Bercy. Sherbrooke-Est, Attatecan. Jacques-Cartier pour entrer à Montréal, rien de compliqué, pour l'instant. N'oubliez pas Jacques-Cartier qui sera fermé après-demain, samedi 20 juillet, 20h, feu pyrotechnique à la ronde, et c'est le Canada qui sera à l'honneur. La Fontaine-Sud, Yves-Prévost, 55 minutes, souligné à peu près 35. La Fontaine vers Montréal, industrielle jusqu'au tunnel, mais bon, on s'en tire quand même bien sur le pont des Chaleurs. 132 Ouest, RAS, rien à signaler. 132 Est, vous allez ralentir avant la zone de travaux. Jean-Lesage Ouest, c'est beau. Jean-Lesage Est de la Fente au chemin du fer à cheval, comme d'habitude, au ralenti. Jean-Lesage Ouest, impeccable. Jean-Lesage Est, c'est ça, 35 juillet. La 10 Est Boulevard Milan jusqu'à à peu près la pesée. Là, prends-toi servant Monterville à la 116, chemin Chambly-Maricourt et de la 10 au boulevard Marthe. Prends place de la 10 à Grand-Vallée, le bon vœu, et ensuite Monterville jusqu'à l'autoroute Jean-Lesage. Alors, vous aurez compris, à l'instar du réseau, que la rive sud, ouais, à part la fontaine, là, c'est pas extrêmement compliqué. Alors, est-ce que déjà, les gens qui travaillent dans le domaine de la construction auraient quitté? Ça se peut. Si on se fie aux années précédentes, beaucoup de ces gens-là quittent le jeudi. Officiellement, c'est vendredi midi, puis là, la distribution des chèques et tout ça, et puis, ben, tout le monde s'en va. Mais on a déjà vu ça par le passé, beaucoup, beaucoup de gens quittés durant la journée de jeudi, même la soirée, ça c'est beaucoup vers les États-Unis. Alors nos amis de la soirée, dont M. Philippe Lagu, je ne sais pas avec qui il travaille ce soir, vont surveiller ça, c'est sûr et certain. Pendant l'événement, prix des employés de Chevrolet a profité d'offres incroyables sur certains Silverado 1500 2024. Visitez offreschevrolet.ca pour les détails. 7h09, une pause, et on s'en va dans une minute à Laval et la Côte-Nord. J'adore ton poulet. Encore une recette de ta mère? Tofu à la Garneau. Hein? Tofu, style poulet, rehaussé d'épices Garneau. Mais là, tu mouilles. Ben non. C'est Garneau qui t'a eu. Garneau! Amateur de tofu, Garneau offre 5 nouvelles variétés d'épices savoureuses pour relever le goût de vos plats. Le tofu, c'est un choix santé. Plus c'est goûteux, plus c'est délicieux. Garneau met du goût dans le tofu. Chez IGA Super Cible sur garneau.com. Petit rappel. Toutes les boissons vendues en canette sont consignées. Vos canettes, emportez-les. Elles seront toutes recyclées. Consigne Action vous dit merci et vous souhaite un bel été. Cette semaine sur maboutiqueradio.ca. Obtenez deux chèques cadeaux de 25$ chacun, valides au restaurant de célébrité. Maintenant, une toute nouvelle adresse pour mieux vous servir. 8095 Boulevard Tachereau à Brossard. maboutiqueradio.ca. Pour choisir la bonne route à prendre. Radio Circulation 730 et Québec 5.1. La circulation en tout temps. 7h10, la 13 Nord, c'est à partir de la 40 et au début du pont de Buisson, voie de droite, il y a déjà une voiture installée sur une dépanneuse plateforme et derrière, il y a un camion cube immobilisé. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Ça va être vérifié. 13 Sud, c'est un petit peu avant avec moi jusqu'en bas à l'avant. Le pont de la Chapelle, ça va très très bien comme d'habitude. Autour des Laurentides Nord, Montréal, c'est désert. Par contre, de la 440 à la rivière des Mille, vous êtes nombreux. Ensuite, c'est Blainville à Saint-Janvier. Autour des Laurentides Sud, direction de la métropolitaine Henri-Bourassa. Pont-Vieux, excellent choix. Pont-Papineau-Leblanc, Pont-Pineuf, dans les deux cas, ça roule. 25 vers Terrebonne, c'est à la jonction de la 440. 440 Ouest, Curé-Labelle à la 13. 440 Est, Daniel Johnson, industriel et sorti maçon. 640 Ouest, engourdi à Lachenay et de la 13 à Saint-Eustache. 640 Est, Grande-Allée, Rosemère, Fontainebleau, dans ces eaux-là. Et un petit peu avant Lucie Pisdel, la sortie, là, jusqu'à la 40. 335 Bois des Filons, c'est Saint-Saëns. Et puis, avant le repage, vous êtes aussi très nombreux. Et puis, 117 Nord, Lens, sur le pont Marius-Dufresne. 117 Sud, c'est correct. La 50 dans les deux directions. Autour de Guy Lafleur, en ce moment, tout va très bien. Donc, 13 Nord, on verra bien, là, ça va laisser beaucoup de gens en plein. Au début du pont Buisson à droite, il se passe quelque chose. Alors, depuis... bon, pour l'instant, c'est toujours la 40, là, mais ça pourrait peut-être changer là. On verra. 7h12, une pause, et puis après ça, circulation Montréal. Albi le géant. Albi le géant, c'est du neuf pour vos vacances. Mazda, Kia, Hyundai, Nissan, Chevrolet, Buick, GMC, Volvo, Genesis. Allocation incroyable pour votre échange. Financement facile, livraison rapide, juste à temps pour vos vacances. Sur le web, par téléphone, en concession. Albi le géant, on vous attend. Circulation, Montréal. Oui, alors, c'est une grosse fin de semaine. Bien sûr, beaucoup de gens du domaine de la construction vont quitter. Et puis, on a reçu les travaux de la fin de semaine, justement. Alors, je vous invite, là, si vous voulez avoir ça rapidement sous les yeux, dans votre téléphone, tablette, ordi, tous les travaux de la fin de semaine. Mobilité Montréal. Mobilité Montréal. Tout est là. Et il me semble, je ne peux pas vous induire en erreur, je ne dirai pas si je ne vois pas. Parce qu'il y aura des déplacements, c'est évident. C'est la... Ah ben oui, je l'ai retrouvé. Ouais, c'est ça, c'est la fin de semaine la plus occupée là, de l'année, probablement. Là, vous allez me dire, pourquoi on s'en va à Trois-Rivières? Ben justement, parce que je pense aux gens qui vont passer par là, par le pont La Violette. Entre Trois-Rivières-Bécancour, là, 2 voies sur 4 de fermées. Une voie par direction, donc. Ça va être à partir de quand? Dimanche 18h. Jusqu'à jeudi matin, 6h30. Vous voyez la longue période de 4 jours, là. Aïe, aïe, aïe. Il y a des gens qui vont dans la Nodière, Mauricie, tout ça, là. Oui, ça pourrait déranger. Alors, tapez ça. Mobilité, Montréal, tout est là. Assez convivial. 7h14, le réseau, retour. Vous ou l'un de vos proches, utilisez une aide à la mobilité motorisée, comme un fauteuil roulant électrique, un triporteur ou un quadriporteur, pour vous assurer que l'appareil est conforme aux normes en vigueur et pour connaître les règles de circulation à respecter, consultez lequebec.ca/aide-mobilité-motorisée. Le partage harmonieux de la route est une responsabilité de tous. Adoptons des comportements favorisant notre sécurité et celle des autres. Un message du gouvernement du Québec. Vous êtes témoin d'un accident sur la route? Vous avez des informations à communiquer? Radio Circulation est là pour vous. Contactez nos animateurs en studio au 514-790-0231. 514-790-0231. Avez-vous des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Jeunesse sans drogue est là pour vous aider. Vous vous demandez comment faire pour parler avec votre ado des drogues? Soyez rassurés, vous trouverez des réponses à vos questions et du soutien à jeunessesansdroguecanada.org. Sud, Est, Ouest. Peu importe votre destination, la solution. Radio Circulation 730 et Québec 511. 7h15, 23 degrés, centre-ville. Bon. Le réseau. Transcanadienne Ouest, c'est un peu occupé. Un peu. À la hauteur de Côte-Vertu pour accéder à la 13. C'est léger. Ensuite, si vous allez vers le pont de l'île aux Tourtes, c'est un petit peu avant le pont, le viaduc des combattants, où on commence à réduire sa vitesse jusqu'au pont. Pont de l'île aux Tourtes Est, évidemment, avec une seule voie, c'est bien installé à Vaudreuil-Dorion. La métropolitaine Ouest, c'est depuis l'Angelier, avec toujours cette panne. Tu peux avoir l'entrée de Pinot à gauche. Ensuite, l'Acadie à Desquerry, vous êtes nombreux. Métropolitaine Est, c'est quand même assez lourd jusqu'à l'entrée Saint-Laurent. L'Angelier au boulevard des Galeries d'Anjou, mais ensuite, ça va. 40 directions de Repentigny, Henri-Brossard au Golfe. Et puis entre Brillant et Valmont, c'est quand même fort occupé. Ça, c'est peut-être un signe, justement, que des gens sont en train de quitter pour les vacances de la construction. Si vous revenez de l'est de l'île, 40 ouest jusqu'en joue, pas de problème, pont le garde à l'hiver. Transcanadienne Ouest, bon, j'en ai parlé, là, rue des Pins, viaduc, des combattants, dans ces eaux-là. Transcanadienne Est, c'est depuis Saint-Charles pour le... Hein? Depuis l'avenue Saint-Charles pour le pont. Ah! Oui, le pont de l'île aux Tourtes, désolé. Après ça, c'est Cavendish, chez Desquerry. Mais oui, OK. Une bulle ici. Desquerry Nord, Sherbrooke, Desquerry Sud, bon. Chantalon, Vézina, jusqu'à peu près là. Puis, après ça, ça se dégage. Je vais à Ouest Turcot, à la première avenue. Ancien combattant pour le pont de Gallipo. 20S après la 32e avenue à Saint-Pierre, mais attention, on ne parle pas d'une méga congestion. 136S, 136 Ouest, c'est beau. Rue Notre-Dame, jusqu'à présent, on se tire très bien à faire dans les deux directions. Cordelias-Ouest vers la 20. Bon, pas grand-chose, là. Alors, la sortie, puis j'ai une frayeur, là, pour l'aéroport était assez occupé. Mais c'était pas jusqu'au terminal, et là, ça semble vouloir être assez stable. Et Cordelias-Est, entre la 20 et le rond-point du même nom, vous débrouillez quand même bien. Il n'y a pas trop de problèmes en ce moment. Serré dans ton budget, l'Internet 100% fibre, 500 mégabits, est à 45 $ par mois avec e-box. T'en as pour ton argent. Abonne-toi en ligne au e-box.ca. 17h19 dans une trentaine de secondes. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Ah, c'est Notre-Dame-Ouest, Desvetines, Iberville. OK. Ça, c'était ça occupé. Et Notre-Dame-Est, du Pont-Jacques-Cartier, à Pinot par intermittence. OK. Alors, voilà. Donc, complément d'information. On fait une pause, 17h19. Après ça, on va s'en retourner sur la Rive-Sud, voir comment les choses se présentent à cette heure-ci. C'est sûr que la Fontaine et Champlain sont deux traversées vers la Rive-Sud, très, très occupées. La consigne, vous connaissez? En rapportant vos canettes et vos bouteilles vides, vous vous assurez qu'elles seront recyclées. Prenez l'habitude de les rapporter. La consigne, c'est l'avenir. Consigne Action vous dit merci et vous souhaite un bel été. Ces jours-ci, à votre Légion locale, on fait les choses différemment, avec pour mission de soutenir les vétérans, de s'amuser et d'accueillir tout le monde dans nos rangs. Pas besoin d'être un vétéran pour adhérer à la Légion. En tant que membre, vous vous joindrez à des milliers d'autres au service de nos vétérans, nos communautés et notre pays. Et grâce à notre programme Member Perks, vous économiserez des milliers en magasins, au restaurant et sur des produits et services dans tout le pays. Adhérez à la Légion.ca. Le Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, vous invite à sa 38e édition du 9 au 21 juillet à Montréal. Vivez une expérience riche en découvertes au rythme d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Info et billets, festivalnuitdafrique.com. Radio Circulation 730. Et Québec 511. 17h20, pardon. Pont Mercier, échangeur Saint-Pierre. 138 est, direction de ce même échangeur, c'est dans le secteur de la sortie Québec. Champlain sud de la Vérendrye, ni traversée. Bonne aventure depuis le pont Victoria. Il faut dire qu'une fois arrivé à l'île des Sœurs, il y a deux nouvelles configurations. La première pour l'île des Sœurs, la seconde pour accéder à Champlain. Champlain vers Montréal, ça va bien. Et la suite 15 Nord jusqu'à Tupo également. Le pont Victoria-Saint-Patrick, c'est depuis des seigneurs Wellington. Rue de la Montagne. Gros changement. Et 1000, ça déborde dans le vieux Montréal. On va encore nous faire perdre 45 minutes. Jacques-Cartier-Sud, Papineau. Guilford, Ontario, Papineau-Nord, Notre-Dame, René-Lévesque et Sherbrooke-Ouest à partir de Bercy. Sherbrooke-Est, toujours dans Papineau, là. C'est depuis Beaudry. La Fontaine-Sud, place Versailles, 55 minutes facilement. Passe Lugny, attendez-vous à perdre 35 minutes à peu près. La Fontaine vers Montréal, industrielle au tunnel, mais vous avouez quand même assez bien sur... le pont de l'Écharon. 132 Ouest, il n'y a pas de problème entre le tunnel et le pont Champlain. 132 Est dans la zone de travaux un peu lent. Jean Lesage Ouest, les choses se déroulent bien et on se débrouille bien. Jean Lesage Est, comme d'habitude, de la pente au chemin du fer à cheval, c'est lent. Du Sud-Ouest, rien de particulier. La 10 Est, oh là, ça a changé, on est rendu à Tachkou. Jusqu'à la pause routière, 30 Ouest avant Montarville à la 116, ensuite chemin Chambly à Maricourt et de la 10 au boulevard Mat. 30 Est de la 10 à Grande-Allée et Montée-Montarville à Jean-Lesage. Pour ce qui est du reste de la Rive-Sud, je ne crois pas que d'autres problèmes, permettez-moi d'ajouter un petit souci. La 104 Est, de la 30 jusqu'au presque au chemin de la bataille, c'est quand même à s'occuper. Ouais, si vous devez passer par là. Et puis on a la 112 également. Bon, c'est pas énorme, mais quand même, à l'approche de Carignan, voyons, c'est pas juste un chat en gorge, c'est le patchup au complet. La 112 vers Carignan, donc, bah, c'est à l'approche. À l'approche de Bellerive, tout simplement. Vous allez résoudre la vitesse. Ah, complément d'information, 10 Est, droit des cantons de l'Est, avant la 30, camion en panne, voie droite. Ça, normalement, on devrait l'avoir en visuel. 10 Est, la 30. On va voir ici. Je ne le vois pas. Mais pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'est pas. Ah oui, il est là, tiens. Oui, oui, effectivement. Alors, 10 Est, secteur de la 30. En fait, il est sur l'accotement de droite, ce gros 55 pieds, mais. Ah oui, derrière le camion, il y a deux véhicules du ministère, dont un qui bloque la voie droite. OK. Alors ça, ben, évidemment, c'est à surveiller, là. Déjà qu'à partir de Pelletier jusqu'au camion en panne, c'est déjà bien écouté. 7h24, une pause, Laval-Croix-Nord, dans un instant. Semaine sur maboutiqueradio.ca. Obtenez deux chèques cadeaux électroniques de 25$ chacun, valides dans les restaurants Otavio. Trois succursales pour mieux vous servir. Laval, Saint-Léonard et Saint-Laurent. Maboutiqueradio.ca. Vous voulez parler avec votre ado des drogues, mais vous ne savez pas par où commencer? Jeunesse sans drogue est là pour vous aider. Vous vous posez plein de questions sur les drogues et ça vous inquiète? Pour des réponses à vos questions et pour du soutien, allez à jeunesse-sans-drogue-canada.org. Playground présente les puissantes semaines du 22 juillet au 3 août. 388 000 $ de cagnotte garantie et trois événements qui décernent des bagues de championnat. Les puissantes semaines au Playground, l'événement poker des vacances de la construction. Visitez playground.ca pour plus de détails. Le parc Jean-Drapeau, pour vous baigner dans l'un des plus beaux complexes aquatiques extérieurs, pour vous prélasser sur une plage de sable doré, pour vous divertir par des événements spéciaux 150e anniversaire présenté par l'Auto-Québec ou pour pique-niquer en nature, le parc est votre destination. Circulation Montréal. Ouais, ben, la 13 sur le territoire de Montréal, c'est de la 40 au pont Buisson, avec, je crois, comme l'a écrit M. Lagu, toujours sur la 13 nord, pont Buisson, au début, un incident, ou enfin, c'est le... Attendez, ouais, non, j'arrive. Hein, c'est ça. Il y a une voiture, c'est probablement un accrochage, parce qu'il y a une voiture sur une dépanneuse et derrière un camion cul. Très sud vers la Vingt-Moore, autour des Laurentides Nord, 440 Rivière-des-Mille, ensuite Grainville, Saint-Jean-de-Vie. Autour des Laurentides Sud, Henri Bourassa, la métropolitaine. Mais, Henri Bourassa, accident, voie de gauche. Pont-Viau, Pont-Papineau, Pont-Pineuf, excellent. 25 Terrebonne, c'est à la jonction de la 440, 440 Ouest. Curie-Labelle à la 13, 440 Est, Daniel Johnson industriel, et dans la sortie 440 Est pour la 15, véhicule en panne. Et après ça, ben, c'est la montée Masson. 640 Ouest, engourdi à Lachinet, et de la 13, Saint-Eustache. 640 Est, Gandelier, Rosemère, Fontainebleau, avant du Saint-Isdel, la sortie, jusqu'à la 40, c'est là. 335 Bas-des-Filions, Saint-Saëns. Et avant le repage, vous êtes très nombreux également. 117 Nord, Lan, sur le pont de Marius-Dufresne. La 50, autour de Guy Lafleur, dans les deux directions. Rien à déplorer. Les choses vont plutôt bien. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça coïncide avec le départ déjà de Jean, du domaine de la construction? Parce qu'habituellement, les jeudis après-midi, on a des heures de pointe vraiment pénibles. Je pense que demain, là, ça va vraiment, vraiment pareil. que tout ce beau monde-là est parti se reposer. Dieu sait que ce sont des gens qui travaillent très fort. Hein. Le froid, le chaud, l'été. Le Festival international Nuit d'Afrique, le plus grand rendez-vous des musiques du monde, vous invite à sa 38e édition du 9 au 21 juillet à Montréal. Vivez une expérience riche en découvertes au rythme d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine. Info et billets, festivalnuitdafrique.com. Radio Circulation. Météo. Alors, toujours 23. 16 cette nuit, quelques nuages. Demain, waouh, belle journée. Plein soleil, 25. Samedi variable, 27. Dimanche, on s'étire le coup. On prend le risque. C'est l'environnement Canada. Il va faire très beau dimanche aussi, 24. Alors, l'humidité, là, wouf, c'est parti, là, pour une couple de jours. On va avoir la paix. Philippe Lagu viendra vous retrouver dans deux minutes pour la suite des choses. Marc Fortin qui vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain, quand vous voulez. Vous êtes témoin d'un accident sur la route? Vous avez des informations à communiquer? Radio Circulation est là pour vous. Contactez nos animateurs en studio au 514-790-0231. 514-790-0231. Cet été, la fête continue jusqu'au 1er août avec l'International des Feux Loto-Québec. La magie des feux d'artifice directement sur le site de la Ronde est une expérience incomparable. On vous attend le samedi 20 juillet prochain pour le Canada. Billets sur laronde.com. La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec a révélé les lauréats des prix Papillon 2024. Ces distinctions honorent les gens qui sont dévoués à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Bravo à Maître Julius Gray, au Théâtre du Trident, au Cap-Vie, à la SEC, à l'AISQ, au CETAL, au RUTA Montréal et à Mon Bras Droit Éduc pour leur travail qui favorise une société plus accessible et inclusive. Pour en savoir plus, visitez handicapquebec.org. J'adore ton poulet. Encore une recette de ta mère? Tofu à la garnon.